Alors, au début des années 2000, des chercheurs ont identifié un nouveau récepteur du goût qui démontre clairement que l'umami est bien une des saveurs de base, au même titre que le sucré, le salé, l'aigre et l'amer. Ce que l'on a appelé le cinquième goût est bien connu de notre palais, mais totalement absent de notre culture. Il a été découvert au Japon au siècle dernier, mais c'est seulement récemment qu'il a acquis une notoriété internationale en tant que goût fondamental. Alors, pour nous en parler davantage, j'ai à mes côtés Christiane Dupont. Rebonjour, Christiane. Rebonjour, François. Alors, Christiane, si on commençait tout d'abord à parler du sens du goût, tout simplement. Bien oui, hein, le sens du goût, c'est un des cinq sens hein, qu'on découvre dès qu'on est. Notre jeune enfance. Hein, c'est un goût qui procure aussi du plaisir. Hein. Manger, c'est vraiment un goût qui, souvent, là, c'est très agréable pour tous. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment vital, le goût, et pas juste pour le plaisir. C'est vrai, il en va de notre survie. Il nous permet de reconnaître, souvent, ce que l'on s'apprête à manger est comestible ou non. C'est pourri, c'est poison, c'est vraiment une question de vie ou de mort, franchement, de bien identifier ce qu'on met dans notre corps. Oui, donc j'imagine que ça a eu un rôle dans l'évolution, probablement. Certainement. Quelqu'un qui ne pouvait pas distinguer un certain type de poison ou qui distinguait très mal les plantes vénéneuses de par la manière de s'empoisonner, mourrait et n'avait peut-être pas beaucoup de descendants. Effectivement. Donc, probablement, évolutivement, on est fait pour ne pas aimer ce qui n'est pas bon pour nous. Et avec l'odorat, c'est l'un des sens où nous avons la meilleure mémoire. Donc, on se rappelle souvent toute notre vie d'un goût où on regoute quelque chose plusieurs années plus tard, puis hop, hein, ça nous rappelle, on peut souvent retrouver le souvenir un peu. Effectivement. Et on établit aussi des relations, des souvenirs et des odeurs aussi. Oui, exactement. Et le cerveau fait plusieurs associations et extrapolations pour nous permettre de détecter des nouveaux poisons. Okay. On peut faire, par exemple, souvent, les gens peuvent se rappeler, on a été malade, on a fait une intoxication alimentaire un jour avec un aliment. Ça peut être n'importe quoi, un sandwich, une salade. Blé d'Inde. Hein? Puis c'était pas nécessairement cet aliment-là qui vous a rendu malade ou bon, bref, mais il y a une association qui s'est faite, pas nécessairement vrai, mais on a pu rester plusieurs années. Hein? Beaucoup de gens ont toute la vie, des fois, expérimenté ça à un moment donné ou à un autre. Donc, le goût aide aussi à détecter les éléments nutritifs que l'on peut retrouver dans les aliments. Par exemple, quelque chose qui est acide, souvent, va contenir de la vitamine C. On pense aux agrumes qui sont très acides. Ah oui, tout à fait. Beaucoup de vitamine C. Et ce qui est salé, on oublie maintenant les aliments transformés qui peuvent un peu nous leurrer, mais souvent salé dans la nature égale sel minéraux. Il n'y a pas juste du sel qui est rendu nocif de par sa quantité. Souvent, c'est sels minéraux qui sont essentiels à la croissance. Les animaux, souvent, vont aller... Bref, une petite parenthèse, on voit souvent des animaux, quand ils trouvent des roches salées, ils se mettent à licher les roches. Hein? C'est parce qu'il y a des sels minéraux qui sont bons pour eux. Les vaches font ça aussi, exactement. Les blocs de sel. Là. Voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas longtemps pensé qu'on ne pouvait distinguer que quatre goûts différents? Bien, je crois que oui. Hein? On a peut-être que vous avez déjà vu ça dans des manuels. On voit une langue et puis bon, il y a certains côtés. Ouais. Au bout de la langue, c'est le sucré. Sur les côtés, c'est l'amer, l'acide. Bon, dans le fond, c'est autre chose. C'est faux dessin, c'est pas bon. Et en plus, il n'y a pas de zone comme ça à proprement dite sur la langue. Okay. Et il n'y a pas quatre, mais bien cinq goûts différents. Le cinquième étant l'umami, avec mon accent japonais. Okay. Faut dire umami, c'est ça. Umami, qui n'a pas de traduction dans toutes les langues, on utilise ce mot-là. Nous allons y revenir plus en détail dans quelques minutes. Et chacun de ces goûts-là, le salé, le sucré, l'acide et l'amer et l'umami, sont le résultat de réactions chimiques spécifiques dans les papilles, qui sont sur la langue. Chaque papille aurait la capacité de détecter les cinq types. Donc, comme je viens de dire, c'est pas vrai que sur le bout de la langue, les papilles goûtent plus le sucré ou sur le côté, c'est plus acide. Non, une papille... Peut distinguer chacun des cinq goûts. Donc elles ne sont pas spécifiques, c'est ça? Non, ce n'est pas spécifique. Alors, comme tu le dis, en fait, on goûte avec nos papilles, mais en fait, une papille, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que c'est au juste? Bon, une papille, c'est un regroupement de cellules gustatives. C'est un petit regroupement. Certaines cellules gustatives peuvent être éparpillées un peu partout sur la langue, mais souvent, elles sont regroupées en un petit... une petite agglomération de papilles qui vont prendre différentes formes selon où elles sont placées sur la langue. Donc... sur le bout de notre langue, c'est en forme de champignons. un peu fongiforme. OK, fongiforme. Fongiforme, mais non pas un champignon. Ouais, le champignon, c'est ça. Fongiforme. Sur les côtés de la langue, c'est surtout en forme de feuille, un peu. Ah. Et un amoncellement un peu plus... un regroupement un peu plus rond à l'arrière. Donc, de par leur rôle, c'est peut-être pour ça qu'on croyait avant qu'il y avait des sections. C'est juste la forme des papilles gustatives. Et est-ce qu'il y a autre chose également? Oui, il y a autre chose. Voisin de ces petites cellules gustatives regroupées, il y a des nerfs qui vont détecter la température, hein, parce qu'un aliment, il en va de la santé de notre bouche et de notre langue, uh-huh. et des nerfs pour la douleur. D'accord. En plus, et il y a aussi tout, c'est beaucoup plus fin, je dirais pas ici, il y a le piquant, il y a plein d'autres, la texture est très importante hein, aussi dans ce qu'on oui. mange, donc il y a un paquet de nerfs qui détecte tout ça. Mais Christiane, est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi, en fait, les cellules se regroupent, en fait, les papilles se regroupent, en fait, si chaque pépé a la capacité de déguster, en fait, les cinq goûts. Oui, oui, vraiment la capacité. Pourquoi ça se regroupe, en fait? Pourquoi ça se regroupe? Peut-être qu'il y a... je ne sais pas si on a réussi à vraiment démystifier pourquoi. Il doit y avoir un rôle physiologique en arrière de ça que, bon, je n'ai peut-être pas recherché assez profondément dans le cadre ici de la chronique. Mais il y a certainement un rôle, peut-être, pour la quand on prend un aliment, ben le premier contact est au bout de la langue. Peut-être qu'il y a une raison que ce soit dans le fond ou sur le bout de la langue, mais okay. je ne peux pas élaborer plus pour l'instant. D'accord. Et on parle aussi de sensibilité variable, oui, quoi? Il y a une sensibilité variable. Et ça explique beaucoup hein, que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Certaines personnes aiment tout. Certaines personnes ont l'air de rien aimer dans la bouffe. Hein. Ouais, il y a l'air très difficile. Ouais. Tout le monde est différent. Il y a sûrement une question d'éducation là-dedans. Oui. Bon, et de gêne, peut-être aussi. Et de gêne aussi. C'est ce qui est très intéressant. Certaines personnes ont une grande sensibilité et d'autres moins. Et il y a des tests qui prouvent ça. Par exemple, il y a un test où ils déposent sur la langue un produit chimique d'une extrême amertume. Parce que oui, il existe une échelle pour mesurer l'amertume des produits. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et puis, c'est un des produits les plus extrêmement amers qu'on peut rencontrer. Okay. Souvent, l'amertume est synonyme de poison. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de médicaments, on dit n'en pas croquer les pilules. Souvent, c'est d'une amertume effroyable. C'est pour ça. Hein? Parce que c'est pas nécessairement un poison, mais les médicaments, c'est un peu ça en même temps pour ouais. le corps. Le corps détecte souvent ça comme un poison. Et il y a des gens, sur la langue, avec ça, on peut voir que certaines personnes vont distinguer cette extrême amertume en micro-quantité et d'autres non. Donc, pour la même quantité, certains détectent absolument pas, rien. Il y en a qui le sentent. Donc, les gens très sensibles, ouais, est-ce qu'on... souvent, ils ont regardé la géographie de la langue et puis ont distingué qu'ils ont des papilles fongiformes qui recouvrent toute la langue. Alors, au lieu d'en avoir juste sur le bout de la langue, qui est peut-être le bout le plus sensible, la langue en est recouverte, contrairement à d'autres gens très peu sensibles qui ont des papilles fongiformes juste au bout de la langue. Ah bon, OK. Donc, c'est vraiment... Et puis, autre petit fait intéressant, il y a une certaine géographie du goût. Il y a certaines mutations génétiques qui sont présentes dans certaines régions du monde pour détecter un composé très amer, qui est un produit chimique. Et puis, c'est pas partout pareil. Il y a une étude qui a été faite. Ils ont analysé les langues et la capacité de plein de gens, de plein de populations différentes dans le monde. Pour connaître les variabilités d'une région à l'autre du globe. Ouais. Et cette capacité à détecter une molécule très amère est très élevée en Amérique du Sud. C'est une population qui, naturellement, détecte ce composé-là facilement. Moyennement en Amérique du Nord et très faible en Europe et au Moyen-Orient. Donc, évolutivement, il y a quelque chose. C'est très intéressant. Ils n'ont pas poussé plus, là, mais... Mais est-ce que c'est vrai seulement pour ce produit-là ou c'est vrai pour en général? Là, aussi? C'était fait pour ce produit-là okay. Amer. Donc, il n'y a pas plus de détails. Mais comment, en fait, détecte-t-on les différents goûts? On détecte les différents goûts. Le goût salé, par exemple. Hein, on mange une chip, hein, un pretzel, n'importe ouais. quoi, quelque chose qui est bien salé. Il y a une accumulation de sodium qui se fait... au-dessus de la cellule gustative, là, littéralement sur sa paroi, uh-huh. qui crée une dépolarisation, sans aller dans les détails physiologiques, qui fait entrer du calcium dans la cellule, le calcium qui est vraiment essentiel dans les procédés de la cellule, et qui va faire libérer des neurotransmetteurs qui se rendent au cerveau. Donc, il y a vraiment une petite réaction physiologique, fou, et ça se rend, il y a un influx nerveux qui se rend au cerveau, pour dire salé. Mais est-ce que cette réaction-là aurait lieu aussi si on prenait un autre sel, comme par exemple le chlorure de potassium? Oui, parce que le potassium hein, a la même charge que le sodium. Mais à un niveau moindre, oui, il y a du KCL. Des fois, c'est un certain additif dans certains sels de table, des fois qu'on achète. Là, vous pouvez regarder en arrière, c'est possible. Mais à un degré moindre, ça. OK. Parce qu'on sait en fait aussi que c'est un peu comme les sucres, en oui. fait... Il existe beaucoup de sucre. En fait, oui. Il en existe une quantité infinie. Il y a un pouvoir sucrant. C'est ça, chacun a son pouvoir sucrant. Donc, défini. Il y a peut-être pouvoir salant aussi. Oui, c'est mais ça, je me demandais. Mais probablement qu'il y a des choses qui goûtent salées qu'on ne devrait pas manger. Oui, probablement, pas ouais. Beaucoup qu'on est supposé manger là-dedans. Si on continue avec les acides. Oui, si on continue avec les acides, hein, par exemple, une orange, un verre de vin, un raisin, ou même les petits bonbons surettes de dépanneur qu'on mangeait peut-être quand on était jeune, là, qui sont vraiment acides et non pas amers et surettes, là, c'est pas une bonne expression. En fait, c'est que c'est un pH acide, hein, ça le dit. Il y a beaucoup d'ions positifs, bref, des hydrogènes. Il y a une accumulation de charges positives au-dessus de la cellule. Ça entraîne également un message neurotransmetteur fouit au cerveau. OK. Et le cerveau décode cette sensation d'acidité. Décode cette sensation-là. C'est ça. Le sucré, ça, c'est différent parce que le sucre va se lier seulement à la surface de la cellule. Il n'y a pas une dépolarisation ou quoi que ce soit. Et puis, il va s'en suivre une réaction en chaîne assez compliquée qui est d'un autre niveau protéique, d'ailleurs, qui découle d'une découverte du prix Nobel, là, sans élaborer ouais, okay. Là-dedans. Oui, oui, oui. Et puis, bon, ben, ça se rend au cerveau également. On détecte le sucré. Et il y a l'amer. L'amer est notre... Le goût le plus sensible, la saveur la plus sensible, parce que c'est la plus dangereuse. Donc, on est très sensible à l'amertume. On la détecte très rapidement. Ce qui est amer dans nos vies, le café, le cacao, le zeste de citron sont des bons exemples de trucs très amers. Uh-huh. Et c'est bien pratique parce que la plupart des poisons végétaux sont amers. Donc, c'est pour ça qu'on est très... on mange une plante bizarre, les noyaux des fruits bizarres, souvent. C'est d'une grande amertume, mais c'est normal qu'on n'aime pas ça. C'est mieux comme ça. Donc, on est programmé comme ça. On est programmé. Si je revenais brièvement sur le sucré, Christiane, en fait, comme tu disais, en fait, le mécanisme est probablement assez complexe parce qu'effectivement, des molécules sucrées, il n'y a pas rien que les sucres. Ouais. Comme par exemple, le chloroforme, là, qui n'a rien à voir avec les sucres, c'est... En fait, quand on respire ça, c'est sucré. C'est sucré. Les odeurs... J'ai jamais respiré. OK. Moi, j'en ai déjà respiré à l'université, là. Et effectivement, ça goûte le sucré. Wow. Et d'ailleurs, il y a un paquet de molécules aussi. Donc, ça doit, entre guillemets, berner un peu le récepteur. Ils disent, je pense que c'est sucré. Ouais, ça se rend comme si c'était un message sucré au cerveau. Oui, effectivement. C'est quand même assez, ça doit être assez compliqué, probablement, la détection du sucré, là, comme tu disais. Oui, probablement. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'umami. Hein, qu'est-ce que c'est, l'umami? C'est le cinquième goût. C'est encore mystérieux, mais on se connaît un peu plus depuis quelques années. Ça veut dire délicieux ou goûteux en japonais. Et c'est un autre goût. Le goût viandeux, un peu le goût de la sauce soya, du parmesan, du glutamate monosodique en gros. Là, on ajoute ça beaucoup dans les produits transformés. Si vous regardez les ingrédients, des bouillons, des soupes en poudre, il y a beaucoup de glutamate monosodique. Ça te remplit la bouche. C'est comme un goût très fort. Hein, la sauce soya, c'est très dur à décrire, mais c'est quelque chose qui est très goûteux en bouche. Mais c'est pas étonnant parce que dans le fond, ce goût viandeux-là, en fait, quand on revient au glutamate monosodique, ce produit-là, c'est le sel d'un acide aminé, donc exactement. Un constituant justement des protéines. Oui. Alors c'est peut-être pour ça qu'on associe ça justement au goût viandeux. Oui, ça se peut très bien. Mais après que la langue est détectée, les goûts, comment le message se rend-il au cerveau? Bien, comme je disais, il y a plusieurs nerfs, des nerfs faciaux, des nerfs dans la langue, dans la gorge, dans le palais, qui envoient tout leur message au cerveau. Donc, quand on mange, il y a un paquet de nerfs qui travaillent à analyser tout la texture, la température, c'est piquant, c'est chaud, c'est froid, bon. Et c'est lui qui va traiter tout ça, il va nous donner le goût global, ou la « flaveur », entre guillemets, « flavor » en anglais, on n'a pas le mot en français pour ça, parce que... c'est la flaveur ou flavor, ils l'ont bien en anglais parce qu'il y a taste et il y a flavor. Ouais. C'est un mélange de l'odeur du nez et du goût de la langue. OK, donc c'est l'odorat. Il y a l'odorat qui rentre en ligne de compte pour analyser le goût parce que quand on mange, pourquoi on n'aime pas ça, on se bouche le nez. Ou quand on a le rhume, on ne goûte pas. On ne goûte pas. Donc le cerveau a besoin de ces deux-là pour vraiment avoir un. Donc c'est la flaveur qui est un mot accepté en français maintenant, mais qui vient flavor en anglais qui. Explique mieux. C'est un fait, parce que vois-tu, en fait, par exemple, si on goûte du vinaigre et du jus de citron, c'est quand même deux acides, mais on perçoit quand même deux goûts différents. Exactement, donc il y a l'odorat là-dedans. C'est ça, parce que si c'est rien que le goût, on percevrait rien que l'acide. Exactement. Donc, d'où l'importance, effectivement, en fait, de l'odorat en plus. Alors, revenons au cinquième goût, l'umami. En fait, comment, en fait, cette découverte s'est-elle faite? Eh bien, le cinquième goût, c'est le goût du glutamate monosodique, un peu, qui est présent naturellement dans les aliments. Hein. C'est sûr que c'est un additif, mais naturellement, on le retrouve. Il rehausse les autres saveurs. Donc, le sucré a l'air un peu plus sucré. Le salé a l'air un peu plus salé. Le glutamate monosodique est souvent ajouté dans les soupes, dans les bouillons, dans les sauces, les chips, comme les Doritos. Pour ceux qui connaissent ça, là, ça goûte, c'est pas possible quand on mange ça. Il y a du glutamate à l'intérieur. C'est aussi une forme naturelle dans les tomates. Dans les champignons, dans le thé, dans le parmesan, dans la viande, les choses goûteuses. Et un fait intéressant, le glutamate, comme tu disais, est souvent lié par d'autres protéines. Et puis quand il est lié avec d'autres protéines, on le détecte pas beaucoup. Et puis il doit être, entre guillemets, dénudé de ces protéines autour pour être goûté. Okay. Donc c'est souvent par un processus de maturation, fermentation ou rôtissage. C'est souvent des aliments qui ont été altérés, qui ont été cuits, qui ont été fermentés ou là... Ou les protéines ont été dégradées probablement. Exactement. Donc là, le goût est plus fort. Oui, je comprends. Donc, c'est connu depuis 2000 ans en Asie, hein, parce que bon, ils utilisent beaucoup ce goût-là. Mais ça fait presque 100 ans que ce goût a été officiellement... Un peu plus que 100 ans, qu'a été officiellement identifié en Occident. En 1908, c'est un chercheur japonais de l'Université de Tokyo qui a découvert que c'est le glutamate qui causait cette sensation-là dans la bouche. Parce qu'on connaissait la sensation... On ne savait pas l'origine, on ne savait pas l'ingrédient. Et puis, c'est seulement en 1985, au premier symposium sur l'umami, oui, rien de moins, il y a eu un symposium sur ce cinquième goût-là, où la communauté scientifique a reconnu l'umami comme étant le goût du glutamate et un autre goût important. Et puis, un petit fait intéressant, bon, le glutamate monosodique, peut-être que vous êtes au courant, des fois... C'est un peu controversé, un peu controversé. Même. Certaines personnes peuvent être intolérantes, ça peut donner des migraines, des allergies. En tant que personnel, moi, quand il y a des grandes doses dans les restaurants asiatiques, je réagis mal, très personnellement. Est-ce que c'est parce qu'on en met trop à ce moment-là? C'est probablement une quantité. Il y en a qui sont peut-être intolérants dosage, de plus petites, mais il y en a naturellement dans les aliments. Mais c'est souvent... ça s'achète là en sel là, de glutamate. On peut trouver ça à l'épicerie, des fois. Okay. Puis une énorme quantité, ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Mais c'est un additif qualifié d'inoffensif par Santé Canada et la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc, l'innocuité en théorie, mais il y a encore des études qui sont... En cours, là. Oui. Hein. Donc, votre prochain repas, si vous êtes en train de manger ou en train de manger en ce moment, il peut être intéressant de se prêter à l'exercice, de tenter de détecter la présence de l'umami sur vos papilles et peut-être essayer d'en chercher la source. Bien, avec ces connaissances, Christian, nous allons être en mesure de mieux cultiver notre cinquième goût, l'umami, et aussi tous nos goûts, en fait, comme le rappelle si bien le slogan de la station, « Cultive tes goûts ». Alors, merci, Christian, pour ta chronique. Ça fait plaisir.